Il lui a dit, veux-tu? Elle n'a dit ni oui ni non, c'est une fille avec un garçon. Que j'en sais encore en ce moment.